بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc nous sommes toujours dans l'explication des 20 causes, 20 raisons qui vont nous aider à nous prémunir des désobéissances. Donc je rappelle, ce chapitre est tiré d'un livre de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. Donc nous sommes arrivés à la 11e cause qui va nous aider à nous prémunir pour ne pas tomber dans les désobéissances. Donc Ibn Qayyim rahimahullah dit la 11e cause, le fait de s'habituer à combattre et à lutter contre les passions progressivement jusqu'à atteindre le délice de la domination. À ce moment-là, la ferveur du serviteur sera plus intense, car celui qui goûte la douceur d'une chose, l'envie et la ferveur pour acquérir cette chose devient plus forte et plus grande. Et le fait de pratiquer et d'exercer les travaux difficiles et pénibles rend la personne qui exerce ces travaux plus forte ou de plus en plus forte. Donc celui qui délaisse l'effort et la lutte de manière complète, sa foi diminuera, et ses passions se renforceront et prendront le dessus. Et si le serviteur habitue son âme à se détourner et à désobéir aux passions, il prendra le dessus sur elles, comme il le souhaite. Donc, parmi les vertus de la lutte contre les passions et le diable, il y a le fait d'acquérir l'immunité contre ces deux derniers. Donc, le diable, le shaitan, et le hawa, les passions. Et avec ceci, aussi le fait de résister et de combattre. Donc les passions et le diable. Donc le fait de résister et de combattre affaiblissent l'envie et la motivation à faire les désobéissances. Et il sera plus facile pour le serviteur de délaisser ses désobéissances. Allah dit dans le sens du verset, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Et Allah dit aussi dans le sens du verset, Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le droit chemin. Donc, si le musulman combat et résiste contre les désobéissances et les passions, Allah lui facilitera les chemins de la guidée et de la droiture. Contrairement à celui qui se soumet à ses passions, ce dernier faiblira face à ses passions et au shaitan et deviendra leur esclave. À cet effet, Ibn Qayyim rahimahullah a dit, les gens qui sont dotés d'une plus grande guidée sont ceux qui combattent le plus, c'est-à-dire qui combattent le plus leur âme, les passions, le diable, naam. Puis il dit, et le combat le plus obligatoire est le combat de l'âme, le combat des passions, le combat du shaitan, du diable, et le combat de la dunya. Celui qui lutte et combat ces quatre dernières qui ont été évoquées, pour Allah, alors Allah le guidera sur les chemins de son agrément, qui l'emmèneront vers son paradis. Alors que celui qui délaisse le djihad, ce combat-là, il sera privé de la guider à hauteur de son délaissement du djihad, du combat. Ensuite, Ibn Qayyim rahimahullah évoque la 12e cause. Il dit, le fait de stopper les mauvaises pensées. Et si une mauvaise pensée vient à lui, il la rejette. Car si les pensées trouvent refuge chez le serviteur, qui ne les rejette pas, au premier abord, ces pensées deviendront des souhaits. Puis elles se renforceront pour devenir des soucis. Puis elles se renforceront pour devenir des volontés, puis elles se renforceront pour devenir un passage à l'acte. Donc le fait de repousser les premières pensées est plus simple. Le fait de repousser les premières pensées est plus simple que de repousser ces pensées après avoir pris forme et après leur avoir laissé quartier libre. Donc la désobéissance, ikhwa, débute d'abord par une pensée, puis elle évolue pour être un souhait, puis un souci qui hante le serviteur et prend possession de son corps et de son cœur. Puis une volonté, enfin, et une détermination, lié un passage à l'acte. Parmi le bien est que le serviteur fasse barrage à ses pensées mauvaises lors de leur apparition, car s'il ne le fait pas à ce moment-là, il risque de tomber dans la désobéissance, sans qu'il ressente réellement le mal de cette désobéissance. Non. Puis Ibn Qayyim rahimahullah évoque la treizième cause. Donc la treizième cause qui va nous aider à nous prémunir pour ne pas tomber dans les désobéissances. Il dit le fait de se détourner des passions en faisant à la place des actes qu'Allah agrée. Car dans la vie, il y a des causes qui font que les passions de l'âme poussent le serviteur vers le faux et les interdits. Donc il incombe au serviteur d'être le plus soucieux possible pour ne pas accéder à ces causes et de faire l'effort nécessaire pour se détourner des passions. Ou pour détourner ses passions vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith authentique, quand il a été questionné au sujet du meilleur des djihad, du meilleur des combats, il répondit sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des djihad est le fait de combattre ton âme et tes passions en Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé celui qui suit et se soumet à ses passions. Il dit dans le sens du verset, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur ses yeux. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Qatada, rahimahullah, en expliquant ce qui est voulu, donc du fait que celui qui prend ses passions comme divinité, il dit, toute passion qui lui passe par la tête, il la concrétise, et il ne craint pas Allah. Donc c'est celui-là qui prend ses passions comme divinité. Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah évoque dans son livre intitulé Rawdatu al-Muhibbin, donc le jardin des amoureux, un chapitre dans lequel il blâme les passions en évoquant 50 choses qui aident le musulman à prendre le dessus sur ses passions et comment faire en sorte que ses passions suivent la loi et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et soient conformes à ce qu'il aime et agrée. Et il dit Ibn Qayyim rahimahullah à la fin de ce chapitre, certes, le fait de contredire et de désobéir aux passions engendre et procure l'honneur et la dignité dans la dunya, donc dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et procure aussi une force apparente et cachée. Alors que le suivi des passions humilie le serviteur dans la dunya et dans l'au-delà, que ce soit l'humiliation apparente ou cachée. Puis Ibn Qayyim rahimallah continue pour évoquer la quatorzième cause pour nous prémunir des désobéissances. Il dit le fait de diriger nos pensées vers les étonnants signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dont il nous a exhorté et recommandé à méditer dessus. Et ces signes sont des signes qu'on récite, donc c'est-à-dire les versets coraniques, et des signes de la création. Si cette méditation envahit et prend possession du cœur, ou prend possession du cœur du serviteur, elle rejettera automatiquement la présence du diable, du shaitan et de ses insufflations. Et quelle grande réussite pour celui qui a toujours à l'esprit le miséricordieux, ainsi que son messager et ses compagnons. Ceci le pousse à oublier shaitan, le diable, qu'il soit parmi les hommes ou les djinns. Donc si le musulman focalise ses pensées sur les étonnants signes d'Allah, comme on a dit, que ce soit à travers les signes récités, c'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah, ou à travers les signes de la création, c'est-à-dire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans cet univers-là, ceci lui ouvrira plusieurs portes de bien. Et son cœur sera préoccupé par la foi et par la relation qu'il a avec son Seigneur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette méditation qu'il a avec Allah, ou plutôt cette méditation, l'éloignera des turpitudes. Et le fait de se préoccuper de toutes mauvaises choses, comme les insufflations de shaitan et les doutes, à cet effet, Allah dit dans le sens du verset, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent ou évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous ou garde-nous du châtiment du feu. Sulayman ad-Darani, rahimahullah, a dit: Quand je sors de chez moi, mes yeux ne se posent pas sur une chose sans que je voie en cela un bienfait d'Allah qui m'a été octroyé ou un signe qui m'a été exposé. Puis, le 15e et le dernier, la 15e et la dernière cause, pour nous prémunir ici des désobéissances évoquées par l'imam Ibn Qayyim, rahimallah, il dit: Le fait de réfléchir et de prendre conscience de la courte durée de cette vie d'ici-bas et de sa fin imminente. La vie d'ici-bas, ikhwa, a une durée très restreinte. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith authentique: Que vais-je faire avec la vie d'ici-bas? Je ne suis dans la vie d'ici-bas que comme un cavalier qui s'est mis à l'ombre d'un arbre, puis il est parti et l'a laissé. Donc si le serviteur pense à la courte durée de cette vie et que cette vie est pleine d'épreuves, il arrivera à une certitude qui est la suivante. Le fait de perdre son temps dans cette demeure éphémère qui est la vie d'ici-bas, dans ce qui n'est pas utile, est une perte évidente. Sans parler de la perte de temps dans les désobéissances. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith authentique, Naam, non. Donc dans ce hadith, il s'adressait à Ibn Omar, radiyallahu anhu. Il lui dit: Sois dans cette vie comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Pourquoi? Car l'étranger ou le voyageur n'a pas son cœur qui s'attache au pays dans lequel il séjourne. Et son seul souci durant son voyage est de faire ses affaires, d'accomplir ses affaires et de repartir le plus rapidement possible. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين